Thank you. 之术。 J'ai un petit riff là. Thank you. Petite bière d'abbaye, bien fraîche. Non, j'ai... Thank you. 50 toi avec ton E150. Il y en a pas là-dedans. Bière brassée selon la recette et sous licence de l'abbaye de Immerwald. Non, c'est juste de la bière. Contient du malt d'orge, c'est tout. Moi je m'en fous, j'étais à un enterrement aujourd'hui. Pour toi Jean-Paul. J'espère que t'es au paradis, puisque tu l'as cherché. We'll be right back. on fait pour le stéréo là. Combien là? 120 km/h autorisé. Thank you. We'll see.